Elle me persuade que ma crainte des autres est justifiée. Elle me laisse croire que chacun de mes torts est dupliqué. Elle ne sait pas que ma fin d'ego est futile. C'est clair, je ne l'aime pas. Je m'interroge par sécurité. Bonjour messieurs, dames, lâche ici une parole anonyme. Je suis nerveux car je pousse ma folie à son paroxysme. Bordel, restez attentif avant d'applaudir qui que ce soit. Je voulais faire taire les calomnies qui m'ont carotté X fois. Je décèle les ondes sous les désaccords, les longs silences, aux places aux confidences. Dès qu'agissent les effets de la drogue, j'ai compris ça après un long dimanche à lire dans mon nombril que les conflits compliqués fermaient densifier les rapports. J'ai ainsi fermé la porte au médecin, j'ai feinté la mort, trinqué avec les salopes qui nuisent à mon destin. Je me suis pincé la peau pour enfin faire un procès à ma paranoïa. Putain, à quel point tout ça est paradoxal. Je veux me faire oublier un peu comme Camaro, pas finir enfermé complètement parano. J'ai vu dériver le radeau, j'ai oublié le kit de survie. Je t'assure que j'ai pas d'autre idée cadeau, hein. J'ai vu l'enfer se former petit à petit. Je me bute à petit feu, j'enterre des phobies cachées sous des cicatrices. Je tirais mes neurones crame, cherche les souvenirs désespérément comme de la weed à 6 ou 5 euros le gramme. Fils, j'ai le crâne grave en mêlée, j'ai vu trop de vie sur la scène et le diable à la télé, j'piche. Leur message subliminaux, suis-je tard ici, je vois Jack, la lutte des classes passe chez les minots. Je veux m'enfermer dans ma chambre et plus rien voir, plus d'un soir. Je fais des comptes éthiques, je me lèverai plus d'un poil, mais que leurs zombies aillent se faire foutre. Je prends ma hache, allume un feu de joie pour les survivants quand les réverbères se coupent. Je marche un peu bossu, un œil dans le dos. Dans le dos, c'est plus l'obscur que je me sens proche. La paranoïa, elle peut me transformer, elle me renforce, mais je perds tant de potes. Je marche un peu bossu, un œil dans le dos. Et c'est de l'obscur que je me sens proche. La paranoïa, elle peut me transformer, hein. Elle me renforce, mais je perds tant de potes. On a sondé la pression qui monte. Tes potes sont les seuls sur qui tu pourras compter. Les fous à contrer, affrontent et puis fonce. Sinon tu t'entêtes en scred avec des certitudes. Veux-tu te taire? Dis pas qu'il y a le feu, il y a juste l'herbe qui fume. Le terminus arrive plus vite que prévu. T'inquiète, ça le fait, pas de blême, ce track c'est juste le prélude. On étudie le truc, se méfie de la parole des autres. Alors j'épaule mes gars sûrs et les rassure par rapport à la force des choses. Une partie des jeunes a fantasmé sur les francs-maçons, et l'autre a foncé ou encastré sur des bancs à pions. C'est dans la fonce des légats frits. Certains perdent leur self-control, faut qu'on se pète, qu'on cause de tes pulsions négatives. Les fils méfiés par le révolte en nombre. Vu le milieu reste suspicieux, comme l'épicier qui écarte ses torts dans l'ombre. Elle se fout que tu bosses dans le son. Je te dis t'as tort d'enfoncer le clou quand tes couilles sont pleines, parle pas de bonnes rencontres. Hérite les courbettes, cache tes commentaires de comme et ravite. Comment faire, je te promets, y'a des moments, je rêve de commettre un crime. Garder l'otage sous le coude, débraquer l'assistance, méduser, racher nos balles pour vous. Épargner la vie dans ces durées, vite la paranoïa. Ou la réalité, les traîtres, je les vois tous troublés pour des thunes. Apparemment, y'a, ça les fait saliver, wesh les mecs. C'est moi ou vous êtes tous des putes? Si je te serre la main avec un regard dur, écoute, je fais pas le gamin, j'enlève pas mon armure, c'est tout. Je veux pas te laisser une chance de commettre la faute. Allez, si c'était devenu chaud, t'aurais donné l'info à l'ennemi. Je t'en veux pas, je sais que l'homme est un lâche. Même les chiens sont plus courageux, aucun ne gomme les attaches. Je réfute à peu près toute vérité occidentale, celle qu'ils ont mis en place, le résultat de mes doutes. Suspicieux, vu que je me mens à moi-même. Et je suis plus vicieux chaque fois que je me prends le manège. Elle me suit telle une ombre glacée, entrelacée dans mon passé. Ma paranoïa n'efface une trace que je ne peux pas effacer. Je marche un peu bossu, un œil dans le dos. Et c'est de l'obscur que je me sens proche. La paranoïa, elle peut me transformer, elle me renforce, mais je perds tant de potes. Je marche un peu bossu, un œil dans le dos. La paranoïa, elle peut me transformer, mais je perds tant de potes.